Angembaki Salulwaza Dala Sakanandia And Olulendo Namoi Makasi Oyako Ebizanga Yesili Yoso Nitego Bangatamoyi Okobo Yangangana Semina Yowe Oko Gende Olingina Beba Yesila Oko Tika Mokumba Nananiye Sonny Nange, Tito, c'est bon. L'objet est pourtant la présente à qui aurait. Et paye, aïe, aïe, aïe, yo, lo, barre. Ma cambo, mon aîné, bon, lo, barre. Na lo, porte, mon aîné, au salaki numéro. Et ticali, elle est bon, à moté, ma naïe. Mambo nange Kofino Yamasa Ngembaki etika kosala na boye Pasi ngaloboko na litamaye Pizo lipe mitoko na mioyo sangani ekotanga Lelo yo o, nana kumbize mi Pasinanga Alba, le banda, Vuti, le sara Nako kangela yo kanda tero, ami Soko yo kina sango, oro ngana potiere Soko yo kina sango, bongo komare Oyana yore Pesa combo na mwana na yo makila na yo Chance na yo Ria ya Bala fumae Beko On fait comme on a dit Malanda, eh?